Alors, moi je vais vous parler déjà en français, c'est ce dont je m'excuse évidemment, et surtout en ignorant, hein, puisque j'ai assisté à cette journée comme un historien de l'art contemporain, c'est-à-dire au sens français du 19e et du 20e siècle, et en plus comme quelqu'un qui découvre le Portugal, en tout cas qui le découvre physiquement, même si c'est un petit peu évidemment par les livres, de quoi il retourne. Et donc en vous écoutant, effectivement, j'ai essayé d'articuler ça avec mes propres intérêts, mes propres connaissances, ce qui a abouti à un certain nombre d'évidences, sans doute pour vous, mais qui pour moi étaient des découvertes. Et donc c'est en fait les idées récurrentes, qui reviennent souvent dans les différentes interventions, pour moi, se sont structurées finalement selon deux axes. Enfin, il m'a semblé voir apparaître deux axes qui reviennent assez souvent dans ces différentes présentations. Le premier, c'est l'idée d'une spécificité portugaise. Alors, il faut voir laquelle et comment, dans le rapport à l'altérité culturelle, dans le rapport au voyage, mais donc aussi à l'appropriation, hein. Et le deuxième, c'est l'idée qui est très liée à cette maison. Hein. Le deuxième axe est très lié à cette maison et à la visite que nous en avons faite. C'est l'idée d'une évolution profonde des modes de transfert entre le XVIe siècle, donc par lequel on a commencé, et aujourd'hui. Hein. Évolution des modes de transfert qui a impliqué, il me semble, une évolution sur la nature des objets concernés, et bien sûr aussi sur le rapport qu'on entretient avec eux. Alors sur le premier point, ce qui m'a intéressé donc, et qui était particulièrement structuré donc, dans la présentation de Carla, c'est l'idée donc, qu'il y a une forte et très ancienne identité nationale portugaise qui a fondé la culture du voyage. Hein. C'est-à-dire que ce qui apparaissait dans vos présentations, c'est que la conscience identitaire a permis une culture du voyage et que dans un second temps seulement, en quelque sorte, cette culture du voyage elle-même a réagi sur cette conscience identitaire, hein, qui a eu une espèce de spirale, de cercle vertueux, donc d'approfondissement d'une conscience qui au départ était très soudée, très nationale, hein, et à partir de cette conscience nationale est devenue après une conscience hybride, hein, comme vous le disiez. Alors, qu'est-ce qu'a permis, donc ça c'est le premier point, disons, cette identité du voyage, en quelque sorte, elle a permis une digestion plutôt qu'une inclusion, c'est-à-dire vraiment une appropriation profonde, disons, une digestion très poussée des cultures autres, de l'altérité, de l'exotisme, appelons-le comme on veut. En fait, il faudrait l'appeler hybride, puisque je te crois quand tu disais le terme la culture hybride est un terme qui est utilisé par les critiques, utilisé par les Portugais comme un élément, évidemment, paradoxalement, précisément d'identité. Hein. Donc on peut parler d'une sorte d'identité paradoxale, hein, d'identité qui est fondée sur le croisement d'identités diverses, mais qui en même temps s'approfondit, s'enracine en elle-même très profondément à partir de cette expérience du voyage. On voit apparaître ça bien sûr déjà, mais ça c'est dans tous les guides touristiques à propos du style manuelin, hein, de la période manueline. Et le point d'orgue qu'a évoqué Alexandra ce matin, c'est cette idée d'une production endogène de l'exotique, c'est-à-dire l'importation d'artisans, puis la production d'objets exotiques sur le sol même du Portugal, à destination de nous, finalement des autres, de l'ensemble du marché européen. Ces artisans indiens donc, qui viennent au Portugal, ébénistes hein, essentiellement, m'ont semblé tout à fait fascinant. Alors, toujours dans ce cadre-là, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, enfin, ce qui m'a retenu, disons, c'est l'idée que cette sorte d'énergie exogène des Portugais, enfin, du Portugal, énergie tournée vers le dehors, a été perçue par l'étranger à un niveau mondial. On peut dire que le mythe identitaire du Portugais voyageur est devenu un mythe universel. Hein, et que ça apparaît déjà d'ailleurs dans les paravents japonais ou chinois qui représentent des Portugais avec leur barbe, leurs cheveux rouges, leur identité très forte, resserrée sur elle-même, non pas pour les Portugais, mais pour les Japonais ou pour les Chinois. hein, enfin à destination d'un marché qui n'est pas un marché exotique. Ce n'est pas un reflet qu'on renvoie au destinataire, c'est pour soi-même. Et puis, bien sûr, nous aussi, les Français, les Anglais, on a relayé ce mythe, d'où les constructions culturelles. Alors, évidemment, ça m'intéresse particulièrement, que sont constructions culturelles de la fin du 19e siècle, à propos du Portugal, et de l'Espagne aussi, à un titre. Enfin, après, la distinction entre Portugal et Espagne serait intéressante à creuser, de ce point de vue-là, mais disons du Portugal, qu'on a construite en France et en Angleterre à l'occasion des expositions universelles et puis un peu partout ailleurs. Bon, voilà, ça, ce sont évidemment des choses qui pour vous sont totalement évidentes, moi qui m'ont beaucoup intéressé. Alors, à partir de là, il y a deux points un peu plus spécifiques que j'ai cru retenir dans vos analyses. La première, c'est le rôle fondateur de l'islam. Ne semble pas avoir ici la même dimension conflictuelle qu'il a en Espagne, et qui donc a eu une capacité, d'un point de vue esthétique, hein, une capacité productive, peut-être non pas plus forte, mais différente, hein, disons. Cette empreinte du goût arabe sur laquelle a insisté Alexandra au début, qui a influé finalement sur les types d'objets qu'on allait chercher, y compris au Japon, en Inde ou en Chine. Et il m'a semblé que dans cette, comme nous l'a montré Teresa Vilassa, les guerres donc de Manuel Ier dès 1519 est un cas tout à fait typique. Alors évidemment, il y a le mystère qui entoure tout objet, mais on se demande si cette forme typiquement persane, donc qui est vraiment du marché d'exportation des Chinois vers l'Iran, a été voulue par les Portugais, qui ont dit c'est cet objet que nous voulons, ou elle a été imposée par les Chinois, se disant puisque c'est vers l'extérieur, qu'on a l'habitude de vendre ce type d'objet à des Iraniens, ça ira très bien pour des Portugais aussi, hein, en changeant un peu le décor. Donc rôle fondateur de l'islam, et au point de départ, hein, évidemment, à l'origine, et puis qui est toujours agissant, mais qui n'est plus sensible directement dans le marché en particulier, parce que dans le marché, ce qui est apparu très fortement dans vos présentations, c'est le rôle directeur, omniprésent, emblématique de l'Inde. C'est-à-dire qu'aux côtés de la Chine, de l'Afrique, du Japon, du Brésil, moi je n'ai entendu que le mot Goa pendant toute la journée. On a vraiment l'impression que l'Inde a une valeur absolument emblématique, qu'elle est le symbole par excellence de ce mythe donc du portugais voyageur. Donc cet usage de l'épithète « from India », qui sert à la fois à caractériser des porcelaines chinoises, comme l'a dit Maria Joao, est tout à fait caractéristique. Et j'ai trouvé aussi très intéressante, du coup, cette construction de la catégorie de l'indo-portugais, hein, qui apparaît donc soutenue par les Anglais, comme par hasard, pourquoi ? Parce qu'elle est reliée finalement à toute une idéologie du 19e siècle sur l'indo-européen, une idéologie romantique, à vrai dire, qui fait donc de l'Inde le maître à penser de toute civilisation, et après, en premier lieu de la civilisation, évidemment, européenne. Et là-dedans, le monde moghol, évidemment, était tout à fait intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il permettait de croiser les deux, il permettait de croiser le rêve indo-européen et l'islam, précisément, ou l'esthétique islamique, l'esthétique de l'ornement, etc., etc. Bon, ça, c'est pour le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est cette idée du caractère intrinsèquement hétérogène l'idée de transfert. Il n'y a pas un transfert, mais il y a différents transferts qui impliquent donc différents types de rapports à l'autre, à l'ailleurs, à l'exogène. Et notamment ce qui apparaît dans cette culture portugaise, et d'ailleurs ça c'est tout à fait général aussi à l'Europe, depuis les grandes découvertes, c'est le passage d'une période de transferts commerciaux à une période d'appropriation violente. Donc en gros, le passage de transferts commerciaux du 16e au XVIIIe siècle, à la fin du milieu-fin du XVIIIe siècle, à un moment d'appropriation donc brutale ou violente, qui est la période coloniale, deuxième empire colonial, donc de la fin du XVIIIe, du XIXe et bien sûr aussi même du XXe siècle. Alors bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de penser que la nature des transferts implique une différence dans la nature des objets concernés. Hein. Les transferts commerciaux produisent naturellement, se dirigent naturellement vers des objets hybrides. Des objets hybrides dans leur sens, dans leur contenu, dans leur forme même. Soit que ces objets hybrides aient été conçus directement par leurs producteurs, par les artisans ou par les artistes, en tant que, finalement, mélange, au fond, de formes, de motifs, de représentations d'origines différentes. Soit que ces objets aient été à l'origine, disons, non pas authentiques, je reviendrai sur le terme d'authenticité, mais unitaires, et qu'ils aient été hybridisés en Europe, hein, par des montages de noix de coco, etc. etc. Hein. Soit les deux, hein, production déjà hybride au départ, et puis ensuite sur-hybridation en quelque sorte, par un phénomène de montage ou de transformation en Europe. Alors sur le premier aspect, évidemment, ce qui est apparu aussi souvent, c'est la grande dextérité des Chinois en particulier pour cette hybridation dans les porcelaines à forme persane, dans les textiles brodés d'arabesques mogoles à destination d'un public qui lui est européen, hein, donc qui permet de commercialiser, de marketiser, comme vous le disiez, le goût, le style ornemental indien à destination donc de ceux qui l'aimaient particulièrement, c'est-à-dire les Européens. En revanche, deuxième aspect, l'appropriation violente, elle est de plusieurs types. Il ne me semble pas qu'on puisse penser l'appropriation violente comme uniquement le vol ou la spoliation coloniale. C'est pas simplement le fait de prendre, c'est aussi il y a ça bien sûr. Hein. Sabine parlait au départ de Francis Cook qui prenait des bouts d'architecture après la révolte des Sipayes, bon, qui prend vraiment du butin quoi finalement, hein, tout simplement, et puis qui les disperse après dans son jardin. Hein. Mais il y a aussi plus en profondeur le démantèlement des cadres culturels, ce qui n'avait pas lieu au XVIe ou au XVIIe siècle, et le fait que finalement les objets traditionnels, entre guillemets, enfin ce qu'on va appeler traditionnel, ce qu'on va appeler authentique, ben, sont rejetés aux marges de la culture qui les a produits, et puis sont mis au rebut et récupérés par les Occidentaux. Mais c'est une forme de violence, ça aussi, hein, de démantèlement culturel. Alors ces objets, quand ils arrivent en Europe, ils sont marqués pas du tout par l'hybridité, mais au contraire par l'authenticité, évidemment. Ce qu'on va rechercher, c'est le fait qu'ils soient... Alors qu'est-ce que ça veut dire, authenticité ? Ça veut dire que leur... ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses, en fait. Ça veut dire d'abord que le premier destinataire de l'objet était dans une relation très forte d'identité avec le producteur. C'est-à-dire que le producteur de l'objet et le destinataire appartiennent au même monde. Et ça veut dire en plus, ça ne suffit pas pour faire un objet authentique, ça veut dire en plus qu'il y a un deuxième ou un troisième, enfin un dernier destinataire qui lui regarde cette relation d'identité de l'extérieur et se dit, je vais pas acquérir seulement un objet, je vais acquérir une relation entre le producteur et un premier commanditaire. Et c'est ça qu'on va rechercher presque... désespérément, finalement, dans l'Occident moderne, à partir du XIXe siècle. Alors, bon, là aussi, c'est pas spécifique au Portugal, ça m'a intéressé de le voir réapparaître ici, dans un certain nombre de cas, y compris dans la collection qui est ici. Il me semble qu'on peut trouver mille raisons à cette quête impossible de l'authenticité, et qu'il y a quelque chose qui ressortit à une constante, à une sorte de basse continue de la culture occidentale, qui est une sorte de mélancolie dans la quête d'une origine en dehors de soi-même. Et les Portugais sont évidemment en tête de cette mélancolie, vous l'appelez autrement, je crois, vous avez un nom pour ça, et de cette quête en dehors de soi, bien sûr. Alors, quelles sont les conséquences donc, de cette quête de l'authenticité ? Alors, d'abord, il y a des conséquences matérielles très fortes. C'est une sorte d'avidité matérielle, d'amoncellement de choses, dont cette collection est un exemple aussi. On en veut toujours plus parce que plus on en a, plus ça creuse le manque essentiel qui est qui provoque cette quête, hein, qui donc est fondamentalement inassouvie. On essaye d'assouvir matériellement une quête qui est d'ordre métaphysique, au fond, hein, fondamentalement. D'où ces transferts de masse, d'où le fait que la plupart des objets de cette collection aient été acquis en Europe. Hein, et qu'on voit que finalement, toute une culture matérielle en bloc a été transférée et pouvait permettre à quelqu'un comme Medeiros et Almeida de faire toute sa collection ici. Hein. D'où le fait également, Geneviève Lacombe nous le disait hier, que certains nombres d'objets japonais se trouvent ici en Europe, permettent de faire l'histoire du Japon, alors qu'il n'y en a plus au Japon, hein, du tout. Et d'où également, dernière chose qu'on n'a pas évoqué du tout au cours de cette journée, mais qui est à mon avis de plus en plus forte et présente, que se lève un vaste mouvement de demande de restitution ou alors de rachat, ce que font les Chinois aujourd'hui ou les Japonais, hein, de rachat d'objets hybrides précisément, ou d'objets entre guillemets authentiques, qui repartent chez eux maintenant. Alors il y a aussi il y a aussi des conséquences esthétiques qui sont une certaine désaffection. Pendant très longtemps chez nous, pour les objets hybrides précisément. Hein. Des affections qui se vérifient encore dans les musées aujourd'hui, où généralement on ne sait pas trop quoi en faire parce que les musées cherchent l'authenticité. Et ils ne cherchent pas les objets mélangés, compliqués, les ivoires indo-portugais, ça ne les intéresse pas tellement finalement. Hein. Ils sont toujours restés sur cette idée de la quête de... Donc finalement ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça commence à intéresser les musées ou les collectionneurs ou le marché, mais pendant longtemps, ça ne les a pas intéressés. Alors, en fait, ça les intéresse ou ça nous intéresse de plus en plus. Hein. À la fois, là aussi, on le retrouve sur les marchés, dans les musées, dans la culture populaire. Hein. On s'intéresse à l'hybride de plus en plus, dans les études académiques. Et c'est pour ça qu'on est réunis, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on a de l'argent, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que vous avez de l'argent du gouvernement portugais, un petit peu, pas beaucoup. Hein. Nous, on en a du gouvernement français parce qu'on a mis le mot hybride quelque part ou le mot outre-mer. Hein. Donc on voit bien qu'on est à un tournant de ce point de vue-là des choix politiques, des choix de représentation donc de l'Europe et du monde occidental. Alors simplement, il faut se demander quelle est la nature exacte de ce goût moderne pour l'hybride qui fait qu'on en parle aujourd'hui ensemble. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est, comme le disait Nuno, est-ce que c'est finalement, l'histoire n'est pas linéaire, est-ce que c'est un retour de l'hybridité baroque? Baroque ou classique, enfin l'hybridité, il me semble pas, parce que le goût moderne pour l'hybride aujourd'hui s'intègre à une démarche antiquaire qui n'était pas le cas au XVIIe, au XVIe, ou au XVIIe, ou même au XVIIIe siècle. Hein. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est pas vraiment de l'hybride vivant en quelque sorte, c'est un fossile d'hybridité. Ce qu'on aime, c'est un objet fabriqué au XVIIe siècle en tant qu'objet hybride. Mais en revanche, il y a toujours un tabou. Imaginez qu'on nous apporte aujourd'hui une boîte en lac japonaise, on ne va pas commencer à graffiter dessus, à la peindre, à mettre des... Enfin, notre collègue Monique Jeudy-Balini, donc, qui travaille là-dessus, on a du mal à trouver des objets hybrides fabriqués aujourd'hui au XXe siècle. Hein. Ça ne se fait pas, quoi. Ce n'est pas bien. Hein. Donc finalement, on vit dans une période de... Alors, est-ce que c'est une période de transition? On est en train de passer d'un mythe de l'authenticité à un mythe de l'hybridité, ou est-ce que c'est simplement la mise au jour, avec plus ou moins d'intensité selon chaque cas, de deux constantes de l'identité occidentale, hein, une sorte de fantasme, quoi, hein, le fantasme de l'hybridité d'un côté, de la complexité, et le fantasme de la pureté de l'autre. Et que ces deux fantasmes ont toujours travaillé ensemble, se sont toujours entre-détruits, pour créer l'environnement dans lequel nous sommes, pour créer ce que nous sommes aujourd'hui. Alors ça, je suis incapable d'y répondre, mais je pense que cette journée a conduit à mettre au jour, finalement, ce type de position très particulière de l'esprit, dont le Portugal est plus qu'un exemple. C'est pas simplement un exemple, c'est un moteur. Hein. J'ai l'impression, c'est vraiment que vous nous avez tiré de ce côté-là, et que d'ailleurs on le sait, tout le monde le sait, parce que vous nous avez imposé votre propre mythe, hein. Et tout le monde maintenant a acquis le mythe du Portugais voyageur qui apparaît dans les objets. Bon, voilà ce que j'en ai tiré, mais sans ambition particulière.